J'en donne un point de référence. L'homme doit être capable de haïr tout ce... Parce que si l'homme n'est pas capable de haïr ce qui n'est pas intelligent, automatiquement, il va se faire absorber par... Le seul moyen que possède l'homme intelligent sur le plan matériel contre la mémoire de l'homme, c'est de pouvoir haïr. Mais s'il ne peut pas haïr, il est fini. C'est pour ça que je déteste la spiritualité. Et que j'haïs la spiritualité. Pas parce qu'elle est pas belle. Pas parce qu'elle est pas belle. Mais parce que je sais que la spiritualité, c'est le dernier des outils dont se sert l'âme pour garder l'âme dans la mort. Je haïs la spiritualité. Pas parce qu'elle est pas belle. Puis pas parce qu'elle n'a pas servi. Mais parce qu'elle fait partie de l'évolution. Fait que si l'homme n'est pas capable de voir, si l'homme n'est pas capable de sentir, si l'homme n'est pas capable de passer à travers ma lentille pour voir à son niveau ce que je veux dire, moi, comment voulez-vous que l'homme continue dans la vie à quoi? À grandir. Il ne peut pas. À un certain moment, il arrête. Et un homme ne doit jamais arrêter de grandir. Un homme ne doit jamais arrêter de grandir parce que continuer à grandir, ça veut dire entrer petit à petit dans la continuité de vie qui est, dans son expression normale, l'immortalité. L'immortalité, c'est la continuation de l'homme vert. L'homme est obligé de continuer à grandir. Un homme ne peut pas se permettre à un certain moment d'arrêter de grandir. Mais pour qu'il continue à grandir, il faut qu'il commence à comprendre, qu'il continue à comprendre et qu'il n'arrête jamais de comprendre que tout ce qui appartient au monde de l'âme, surtout la sacrée spiritualité, c'est le dernier des ferments qui est à sa poche. Fait que parlez-moi pas de spiritualité. J'aime bien ça, pis c'est bien beau, pis c'est bien le fun, pis ça prépare bien du monde à venir me rencontrer, mais le point est pas là. Parce qu'une fois que les gens m'ont rencontré, je suis obligé de le détruire. La spiritualité, c'est simplement une forme pour amener le monde à me rencontrer. Mais une fois que les gens m'ont rencontré, il y a un autre étage. Puis à part ça, t'as pas besoin d'être bien intelligent pour réaliser que la spiritualité, c'est des nuages. Si la spiritualité est assez grande, est assez grande, est assez parfaite, est assez belle, puis la si bonne pour l'évolution. Tu n'auras pas une sorte aux Indes, puis une sorte en Amérique du Sud, puis une sorte en Afrique du Nord, puis une sorte au Vatican. Tu auras toute la même spiritualité. Ah, il y en aura une spiritualité à l'intérieur de la sixième race. Il y en aura une spiritualité. Ça sera une sorte de spiritualité de l'esprit, parce que les hommes ne sont pas tous fusionnés. Ah, il y aura une sorte de spiritualité de l'esprit. Il y en aura une sorte de spiritualité. Mais elle sera intelligente. Ah, les hommes de la sixième race auront une sorte de spiritualité universelle, et ainsi de suite. Mais elle sera intelligente, cette spiritualité-là. Mais à cause du fait qu'il y aura de la spiritualité dans la sixième race, cette sixième race-là devra mourir pour que l'homme entre dans la septième et qu'il n'y ait plus de spiritualité sur la terre. À la septième race, il n'y aura plus de spiritualité sur la terre. Ça sera l'intelligence pure et ça sera mondial. Durant la sixième race, il y a encore la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça ne fait pas dommage quand vous savez que vous l'avez dans le corps. Si tu as un virus dans le corps, tu le sais, ça ne fait pas dommage. Mais si tu ne le sais pas, là, c'est l'enfer. Parce que, rendu à un certain point d'évolution, la spiritualité, c'est plus au niveau de la forme. C'est plus au niveau des concepts. C'est plus philosophique, la spiritualité. C'est un état d'esprit qui provient du fait que l'ego a une très, très grande sensibilité à l'infini. C'est ça, la spiritualité. Alors, quand l'homme commence à avoir une grande sensibilité à l'infini, quand l'homme commence à avoir une grande sensibilité à l'avenir, il y a en lui un sentiment spirituel qu'on appelle, mais c'est pas le sentiment spirituel de la cinquième race. C'est le sentiment spirituel de la sixième race qui permettra à l'homme de la sixième race de pouvoir sortir de son corps matériel, d'entrer en contact avec d'autres plans, de revenir dans son corps matériel et de pouvoir échanger d'un plan à l'autre de sorte que son esprit ne sera plus limité spirituellement comme il était avant. Mais son esprit sera tout de même spirituel parce que les hommes de la sixième race seront encore des êtres ascendants. Et tant que l'homme sera un être ascendant, il y aura en lui de la spiritualité parce que la spiritualité, c'est une force d'ascension dans le cosmos. Alors, la spiritualité étant une force d'ascension dans le cosmos, elle est très bonne. C'est très bon qu'elle soit. Mais elle doit être comprise pour que l'homme qui la vit parce qu'il est dans l'ascension ne soit pas ralenti par elle à cause de ses pas. C'est ça que je veux dire. Sa spiritualité. Pour le moment. Bon, c'est évident que l'âme, la mémoire, qui accumule, puis qui accumule, puis qui accumule, puis qui accumule, puis qui accumule, c'est évident que l'âme, elle, qui évolue, puis qui évolue, puis qui évolue, à un certain moment, elle atteint des niveaux de vibration qui sont très élevés. Fait que quand l'âme a des taux vibratoires très élevés, puis qu'elle connecte avec l'homme, c'est évident que le jus qui passe dans le corps, le jus spirituel qui passe dans le corps, il est de haute vibration. Fait que tu as de l'ampérage, souvent tu as du voltage, les hindous avec le nirvana, ça c'est du voltage. Puis quand tu as du voltage, ben, tu te penses au ciel. Puis là, tu es pris dans l'illusion factice de la mémoire de l'âme. Puis un jour, il faut que tu en sortes de cette affaire-là pour rentrer dans l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est pas ce que les hommes pensent. C'est pas ce que les hommes pensent. C'est pas ce que les hommes pensent. Ça se définit pas d'intelligence. Ça se définit pas. La spiritualité, ça se définit. L'intellect, ça se définit. L'intelligence, ça se définit pas. C'est une énergie vibratoire qui descend et qui crée. C'est ça l'intelligence. C'est bien simple. Mais tout le reste dont on peut parler, ça la diminue, ça, cette affaire. Ça la diminue. Penses-tu que toi, t'as besoin d'aller dans tes cours avec des papiers pis tout? Quand t'es dans ton intelligence, t'es rencontres les moineaux pis tu leur parles. Puis après un certain temps, t'es habitué pis tu leur parles, pis tu leur parles, pis tu leur parles. Tu mets le papier. Si tu mets le papier, tu tombes encore dans la mémoire de l'âme. Tu diminues ta puissance vibratoire, tu diminues ta personnalité, tu diminues ton magnétisme, tu diminues tout. Parce que tout d'un coup, t'as une conférence, faut que tu fasses une grimace. Un yo-yo dans le coin. Fait que t'es pris avec des papiers pis tes grosses lunettes sur le bout du nez. Comment tu veux faire une grimace? T'es pas capable? T'es pris avec tes crises de papier. Mais si t'as pas de papier, hein, là tu peux faire une grimace. Comment ça veut dire? L'énergie va te faire une grimace. Pas de tes affaires, il faut que tu fasses une grimace. Quand tu fais une grimace, pas de tes affaires, t'es simplement un canal. Mais si tu te mets des papiers devant le nez sur ta grosse tribune de professeur, ben tu pourras pas faire de grimace. Tu viens diminuer le pouvoir de ton intelligence sur l'esprit de ce gars-là. Tu viens de l'empêcher lui d'évoluer d'une façon subliminale. Mais, c'est normal. On a besoin de mémoire, on est habitué à la mémoire, on a toujours la belle main de la mémoire en arrière, qui suit, puis qui suit, puis on check pour voir qu'elle a tous les éléments dedans, là. Puis là, on s'en va, puis on a le track. Pourquoi est-ce que les gens le track quand ils sont en public? Parce qu'ils ont peur d'avoir perdu la mémoire. Tous les artistes, ils ont tous le track. Les grands artistes, ils ont le track, puis les petits artistes, ils ont le track. Tout le monde a le track parce qu'ils sont tous à la track. La track de quoi? De la dualité, de l'émotion, du mental. Tout le monde a le track. Track de quoi? Quand tu vas parler du monde, t'as pas besoin d'avoir le track. Tu t'en vas le parler, c'est toi dans la puissance. Moi, si je vous parle, c'est moi dans la puissance pour vous autres. Pourquoi ça va être track? Mais si c'est dans ta mémoire, là, t'as le track. Tout le monde. Puis tout le monde, les grands artistes sont du track. Tout le monde est traqué. Mais c'est ça, vivre la mémoire. Je vous donne des exemples purement, des exemples de fous, là, de tous les jours. Là. Mais on vit de même. On vit de même. Fait que... C'est évident qu'on n'est pas capable de descendre cette énergie-là quand on est pris dans une situation de vie où ça nécessite qu'elle descende cette énergie-là. Parce qu'on a toujours la mémoire en arrière qui nous check. Qui nous dit, ben écoute, là, c'est établi comme ça, puis toi tu fais ça de même. Puis écoute, ça a été dit de même, puis toi tu fais ça de même. Fait qu'on dit, ouais, c'est vrai, ça, c'est peut-être que ça ne sera pas bon. Là, on commence à rationaliser. Là, rationaliser, mais c'est le ciment du mental puis de l'émotion. Puis il y en a qui sont capables. Il y en a qui peuvent te rationaliser n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a des gens qui sont fabuleux à rationaliser. L'homme, c'est un porteur d'intelligence, c'est un porteur de lumière, l'homme. Mais faut qu'il apprenne les règles du jeu, puis c'est pas... Les règles du jeu vont pas y être données par le passé, vont pas y être données par les forces dans le plan astral, vont pas y être données par les forces de l'intelligence de l'âme. C'est évident. Moi, je suis obligé d'extorquer des points de vue des morts. Quand je parle par dehors, hein, avec des gens des similaires, je suis obligé d'extorquer. Puis la seule raison que je suis capable, c'est parce que je sais déjà ce qu'ils vont me répondre, moi. Penses-tu que c'est eux autres qui vont le dire? Penses-tu que les morts vont dire, bon, ben, tous les hommes, vous êtes soumis à une loi du mensonge, puis c'est cosmique, c'est universel. On est obligé de vous mentir. Penses-tu que vous vont dire ça? Fait que si eux autres te disent pas, qui c'est qui va te le dire? Rien que moi pour vous le dire. Jusqu'à temps que vous soyez suffisamment dans vos bottines pour pouvoir vous autres aussi le dire à d'autres. C'est comme ça que ça continue, puis la descente, puis la diffusion de la conscience supplémentaire sur la Terre. Faut que ça commence quelque part. Qu'est-ce que c'est qui affaiblit l'homme? C'est sa mémoire de l'âme. Quand tu dis que chaque fois que tu penses, puis chaque fois que tu vibres dans ton émotionnel, c'est ton âme qui t'envoie du courant, c'est écœurant. Au lieu d'être calme tout le temps, tu sais, comme ça, comme une barre de fer qui grouille pas, t'as toujours un petit mouvement, petit mouvement, petit mouvement. Puis quand tu n'es conscient, tu deviens maudit de ça. Fait qu'est-ce qui arrive quand tu deviens maudit de cette petite affaire-là? C'est là que tu commences à descendre d'énergie, ça. D'énergie. T'as descend, t'as descend, t'as descend, t'as descend. Ah, bah, salut, tu te dis, tu fais un accident, là, fais attention. Je dis, mange-donc la barre. Incident. Tout le temps. T'appelles bien le malade. C'est ça le problème? Ça joue tout ça à tes nerfs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas que c'est pas vrai, peut-être qu'elle est malade. Mais nous autres, on est tellement malades que si on se fait dire que la belle-mère est malade puis qu'on vibre, là, on est content, puis on est tellement sans dessin, on dit, ils nous l'ont dit que t'es malade, la belle-mère. On est niaiseux à ce point-là. À moins, j'ai établi depuis bien des années, je veux même pas le connaître, le futur. Je veux pas le connaître, le futur. Si je veux connaître le futur, moi, m'a parlé. Si je veux savoir quand est-ce qu'elle va mourir, ma belle-mère m'a parlé à ma femme, et soeur m'a dit la belle-mère dans 4 ans à part. Paf, final. Faut que je le dise automatiquement quand je le parle. Je veux pas qu'eux autres me le disent. Parce que si eux autres me le disent, peut-être que ça va passer par d'autres réseaux. Ah. Attends ça, du monde dit, ah, oh, ils m'ont dit ça, puis ils m'ont dit ça, puis ils m'ont dit ça. Là, les émotions, puis le mental, tout marche. Là. Puis on reste ça pendant des semaines de temps. On est des yo-yo. Il y en a qui ont encore d'assez longues, là. Ils peuvent même pas se pendre avec. Ah, tu vois, je l'avais pas pensé, celle-là est bonne, hein? J'ai juste la réalité. C'est ça, de l'intelligence créative. Tu penses pas ce que tu vas dire. Si j'avais eu de la mémoire, là, j'aurais essayé de raccrocher. Qu'est-ce que je vais dire à ça? Qu'est-ce que je vais ajouter? Il n'y avait plus rien à ajouter, c'est ça! La corde est assez longue, tu peux pas se pendre avec. Je l'aime, celle-là. En tout cas, il est mieux d'avoir des bonnes sandwiches ce soir. J'ai le goût de répondre à des questions. Non, je continue. La mémoire de l'âme. On va parler sur une autre vibration parce que je veux dire d'autres choses. La mémoire de l'âme, c'est l'enregistrement dans l'éther mental et astral de l'homme de tout ce qui a été vécu énergétiquement par l'humanité collectivement. De sorte qu'un homme qui est dans la mémoire de l'âme ne vit pas son mental et son émotif en tant qu'être humain. Il vit son émotif et son mental en tant qu'unité biologique appartenant à une race collective. Autrement dit, un homme qui vit de la mémoire de l'âme n'est pas un être humain. Il est un agent de liaison entre le monde de la vie et le monde de la mort. Il est un agent de liaison qui sert à rapporter dans le monde de la mort de l'information pour que les intelligences de dans le monde de la mort puissent construire des véhicules mentaux, émotionnels et vitaux plus perfectionnés pour les vivants qui viendront après, par suite d'incarnation. L'homme qui vit de l'intelligence de la mémoire ou de la mémoire de l'âme n'est pas capable de comprendre les mystères de la vie parce qu'il est déjà mort. Il n'a pas l'impression d'être mort parce qu'il a des sens qui sont directement connectés Il a un centre vibratoire qui est directement connecté à son système nerveux, qui lui donne raison de l'impression de la vie à cause du fait qu'il est capable, de par ses sens, de percevoir la matière. La matière est perçue par l'homme vivant qui est mort à travers de son système nerveux qui enregistre la matière et la transmet au corps astral, qui la transmet au plan astral, qui la transmet au plan mental inférieur. L'homme qui vit de la mémoire de l'âme n'est pas vivant. C'est un mort vivant. Les autres, d'autre part, sont morts. L'homme ici est un mort vivant. Et être un mort vivant, c'est être un mort qui a l'impression très sérieuse, très réelle d'être vivant parce qu'il est capable de commander son souffle par le fait qu'il a la volonté de vivre. C'est le fait qu'il a la volonté de vivre qui lui permet de commander son souffle. Et s'il perdait la volonté de vivre, il perdrait le commandement de son souffle. Et c'est ça qu'on trouve souvent dans les hôpitaux quand les gens, on dit les gens, il n'y a plus la volonté de vivre. C'est subtil ce que je viens de vous dire là. Autrement dit, vous êtes des morts vivants parce que vous avez la capacité de commander à votre souffle. Si jamais un jour on vous drogue ou on diminue votre volonté subjective et que vous perdez le commandement de votre souffle, automatiquement vous mourrez. Fait que la différence entre la mort et la vie n'est pas si grande que ça. Pas si grande que ça. La seule différence entre la mort et la vie, c'est que vous avez un système nerveux qui est connecté à votre corps astral, qui permet à votre corps astral d'enregistrer des impressions dans la matière que les morts ne peuvent pas faire parce que là, le système nerveux, il n'y en a pas. La différence entre la mort vivante et la mort astrale, c'est que la mort astrale n'a pas de système nerveux. Alors, vous autres, votre système nerveux est très important. Mais votre système nerveux, vous autres, au lieu de simplement enregistrer des impressions dans la matière qui servent au monde de la mort, doit faire descendre de l'état mental supérieur des forces cosmiques pour que vous puissiez un jour, non pas enregistrer des impressions dans la matière qui vont servir au monde de la mort, mais descendre des énergies qui transmuteront votre matière pour que vous deveniez des immortels. C'est ça la différence entre le mort vivant et l'immortel. Dans le fond, l'immortel, c'est un homme qui est un petit peu plus intelligent que le mort vivant. L'immortel, c'est un homme qui voit un petit peu plus loin que le mort vivant. L'immortel, c'est un homme qui a une volonté de réalisation de sa vie en fonction, non pas de la mort ou des impressions sensorielles qui nourrissent le monde astral, mais qui vit en fonction de descendre dans la matière, en relation de sa volonté et de son intelligence, des forces cosmiques qui pulvérisent tout ce qui est astral en lui et qui délie lentement d'une façon subliminale les liens moléculaires de son corps physique pour qu'un jour il puisse commander à son esprit de sortir de son corps, pour qu'un jour il puisse commander à son corps de se reconstruire sur un autre plan dans une forme lumineuse. Mais pour que l'homme en arrive à ça, il faut qu'il devienne intelligent, il faut qu'il sache ce qui se passe, il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est la différence entre la mort astrale et la mort de l'homme. Et l'homme, effectivement, est un être qui est mort vivant. Et l'impression qu'on est vivant était tellement grande à cause, justement, de nos sens, puis de notre corps astral qui est connecté à notre système nerveux, est tellement grande, ça, puis est tellement illusoire que quand on se couche le soir puis qu'on va en astral et qu'on est effectivement mort à la vie matérielle, on est vivant pareil puis on fonctionne, hein? Quand tu rêves de soir, tu as des rêves conscients, il n'y a pas de différence. Là, c'est. Ça montre jusqu'à quel point l'illusion de la vie du mort vivant est grande sur le plan matériel. Alors, nous autres, on est donné l'impression que la mort vivante sur le plan matériel, c'est quelque chose d'au bout, lorsqu'en fait, ça va nous être enlevé tout à l'heure. Et lorsqu'en fait, on devrait le garder pour toujours. Et qu'est-ce qui nous empêche de le garder pour toujours? C'est qu'on est des niaiseux, on est des yo-yo, puis on comprend pas Bernard-Montréal. Quand on comprendra Bernard-Montréal, on commencera à rentrer dans notre intelligence, et à ce moment-là, on commencera à construire sur la Terre un pont entre les morts vivants puis les morts. Puis ça, c'est la sixième race. Mais il faut qu'on le comprenne, mais on peut simplement le comprendre par le truchement des instructions qui vous sont données, pour qu'un jour, on en arrive à le réaliser électriquement. La vibration, l'éther, toutes ces patentes-là, les forces de vie, qui sont indifférenciées, monsieur, elles sont indifférenciées, il faut qu'elles soient différenciées par l'homme dans la matière. Tandis que tout ce qui est dans l'astral, tout ce qui fait partie de la mémoire de l'âme, c'est différencié, c'est déjà du tout cuit, c'est mis dans la tête, c'est mis dans tes émotions. C'est toujours du tout cuit, c'est déjà du tout cuit, c'est pour ça que je dis que la connaissance, c'est une illusion. Puis tant que les hommes seront pognés à la recherche de la connaissance, ils seront pognés à remanger, à se renourrir d'une nourriture qui est déjà existante dans l'astral, mais qui passe par leur mental et par le corps émotionnel. Quand l'homme sera dans l'intelligence, que l'homme deviendra créatif, il se servira d'une énergie qui est indifférenciée, c'est-à-dire une énergie qui n'a pas été encore servie, qui n'a servi encore à rien, et qui servira dans l'homme lorsque l'homme aura la volonté et l'intelligence de s'en servir au-delà de la mémoire de son intelligence animique. Mandez-vous pas pourquoi est-ce que je m'affauche des fois. Les gens disent, ben pourquoi est-ce que tu gueules tant? Faut bien que je m'affauche. Parce que si je me fâche pas, je pourrais pas faire rentrer dans votre esprit des impressions qui sont trop subtiles. Ça serait bien plus fun pour moi de pas me fâcher. J'en ai mal au ventre quand je me fâche. Mais il faut que je me fâche. Mais je me fâche pourquoi? Parce que je vois tellement clair, je vois trop clair. Ça, je me fâche. Savez-vous pourquoi est-ce que je me fâche? Je me fâche pas avec les gens que je sens qui sont intelligents quand je les regarde dans les yeux. Je me fâche avec les gens que je sens qui ont beaucoup de spiritualité dans leur esprit. C'est ça qui me fait fâcher. Mais je blâme pas. Je dis pourquoi je me parle. Autrement dit, ces gens-là servent à me faire encore descendre d'énergie. Je t'en ai de parler. On mange-tu? Ah, je continue en haut. Ah, là, probablement qu'on est dans une étape où l'homme doit commencer à détruire le sphinx. Où l'homme doit commencer à détruire pierre par pierre ce qui a constitué dans son passé l'emblème même de l'immortalité. Et l'emblème de l'immortalité, le sphinx de l'homme, c'est tout ce qui constitue son savoir. Le sphinx est une forme qui existe dans la pierre, comme c'est une forme qui existe dans l'esprit de l'homme. Et le sphinx dans la pierre n'est qu'une représentation matérielle du sphinx qui existe dans l'esprit de l'homme. Et le sphinx qui est le plus dangereux, c'est pas celui qui est dans la pierre et qui est simplement une forme symbolique, mais celui qui est dans son esprit. Et le sphinx qui est dans l'esprit de l'homme peut facilement donner au sphinx qui est dans la pierre une forme quelconque, de sorte que l'énergie de l'âme, la mémoire de l'âme, l'intelligence de l'âme a donné à la vie terrestre de l'homme, depuis le début des involutions des grandes civilisations, une façon de voir les choses qui convenait à cette mémoire. Et l'homme arrive à un point dans son histoire où il doit totalement détruire le sphinx qui est dans son esprit, afin de pouvoir éventuellement détruire le sphinx qui est dans la matière. L'homme ne détruira pas le sphinx qui est dans la matière en premier. Le sphinx qui est dans la matière sera détruit par la destruction ou selon l'évolution de la destruction du sphinx qui est dans son esprit. Où commence la destruction du sphinx dans l'esprit de l'homme? L'homme doit détruire d'abord la tête du sphinx. Et la tête du sphinx se situe sur le plan mental de l'homme. L'impression gigantesque du sphinx, sa forme, son gigantisme, se situe sur le plan émotionnel de l'homme. Et pour que l'homme s'attaque à la tête du sphinx, il doit commencer à regarder de très près ce que le sphinx représente pour lui. Et le sphinx représente pour l'homme la sécurité. Et le sphinx, à cause de sa tradition et de sa grande mémoire, possède énormément de connaissances. Et l'énormité des connaissances du sphinx dans l'esprit de l'homme, la mémoire de l'âme, crée dans l'homme une impression sur le plan émotionnel de très grande force. Et c'est comme ça que le sphinx réussit à maintenir son contrôle sur l'esprit de l'homme, non pas nécessairement par les pensées, mais par les émotions que suscitent les pensées, ou que suscite l'abrogation des pensées, ou que suscite la destruction des pensées ou la réorganisation des pensées dans l'esprit de l'homme. L'homme est un être qui doit un jour émerger totalement et parfaitement de sa conscience matérielle. C'est-à-dire que l'homme est un être qui doit un jour complètement être libre de sa conscience matérielle. Or, la conscience matérielle de l'homme, c'est cette conscience qui permet à son mental et à son émotionnel de percevoir simplement un aspect matériel de sa vie. Autrement dit, l'homme doit un jour être capable, être suffisamment intelligent ou suffisamment dans l'énergie de l'intelligence pour ne pas être attaché, affecté dans son mental ou dans son émotionnel par le fait qu'il est vivant dans la matière. Tant que l'homme sera attaché à la matière, tant qu'il sera attaché à son corps matériel, tant qu'il sera dans la tâche de son corps matériel, c'est qu'il y aura en lui des pensées et des émotions qui le lieront moléculairement à la matière. Ce n'est pas un problème de projection, ce n'est pas un problème d'évasion, ce n'est pas un problème d'issue pour l'homme. Ce n'est pas un problème d'essayer de faire quelque chose ou quoi que ce soit pour l'homme. C'est simplement une condition de vie expliquée à l'homme selon les lois de l'évolution et selon les lois de la progression continue de ses vibrations, lui permettant un jour d'être suffisamment libre de la tête du sphinx dans son esprit qui manipule ses pensées et ses émotions. Cette réalisation, cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de vivre sa vie brisera automatiquement les liens avec le moléculaire et c'est ce qui permettra à l'homme, une fois pour toutes, d'entrer dans les corridors de vie qui existent en dehors du matériel. Mais l'homme est un être extrêmement primitif, il est un être extrêmement naïf, il est un être qu'il ne convient pas d'être appelé homme parce que sa nature humaine inférieure ou sa nature animale a précédence sur sa nature cosmique. Alors, si la nature animale de l'homme a précédence sur sa nature cosmique à cause de la puissance de ses émotions, à cause de la puissance de ses pensées, il est évident que l'homme n'a pas le droit de se considérer en tant qu'homme, et automatiquement, s'il ne se considère pas en tant qu'homme, comment doit-il se considérer? S'il se considère en tant qu'homme, il est obligé de s'oublier lui-même. C'est-à-dire qu'il est obligé d'oublier la partie de lui-même qu'il ne convient pas d'appeler la partie planétaire ou la partie humaine. S'il ne se considère pas en tant qu'homme et qu'il se considère dans une autre lumière, c'est-à-dire que s'il se considère en tant qu'être supérieur à l'état d'homme, s'il se considère dans le cadre du surhomme, autrement dit de cet être qui n'est pas lié aux forces planétaires, à ce moment-là, il est obligé d'oublier ce qui en lui constitue sa nature humaine inférieure planétaire pour commencer à vivre de cette instantanéité d'intelligence qui croît et qui croît et qui croît au fur et à mesure qu'il perd connaissance. Et l'homme doit en arriver, et ce point est extrêmement important, l'homme doit en arriver à perdre connaissance. Et perdre connaissance pour l'homme, c'est en arriver à un point dans sa vie où il est tellement éloigné de la mémoire de l'âme qu'il n'a plus l'impression d'être intelligent. Tant que l'homme a l'impression d'être intelligent, il a connaissance de lui-même, et s'il a connaissance de lui-même, il n'est pas en pleine conscience de lui-même, et s'il n'est pas en pleine conscience de lui-même, les liens entre le mental, l'émotionnel, et le vital et le physique sont trop puissants pour qu'il en arrive à se dématérialiser ou à recomposer les plans de sa vie pour qu'il puisse la vivre, sa vie, à un autre niveau et selon des lois qui lui sont totalement cachées. Alors, l'homme doit perdre connaissance de lui-même. Et perdre connaissance de lui-même veut dire qu'il doit entrer un jour dans une conscience tellement raffinée, dans un éther tellement subtil que le mental, l'émotionnel, le vital et le physique ne sont pour lui que des aspects conditionnels d'une vie qu'il peut se donner s'il le veut, mais dont il peut se libérer s'il en est nécessaire. Tous les efforts de l'homme dans la vie matérielle, tous les efforts de l'homme dans la civilisation, tous les efforts de l'homme en fonction ou en relation avec la cinquième race, le décourageront de perdre conscience. Dans ce sens que tous les efforts de la sixième race, toutes les impressions de la sixième race le tireront vers cet état où il doit perdre connaissance. Et l'homme doit perdre connaissance. Et les gens qui sont les plus près de moi dans ce sens que ces gens qui m'ont le plus écouté, qui m'ont le plus compris, qui m'ont le plus réalisé, sont ceux qui perdront les premiers connaissances. Et perdre connaissance, c'est un langage voilé que j'emploie pour ne pas expliquer d'autres aspects qui viendront ensuite. Mais perdre connaissance est extrêmement important parce que ça fait partie de la vibration de l'énergie indifférenciée dans l'homme. Ça fait partie du statu quo, de l'équilibre entre l'homme matériel et l'homme invisible. Perdre connaissance, ça veut dire que l'homme, à un certain moment, ne doit plus reconnaître la nature de sa personnalité pour ne plus être capable de se rappeler la nature de son caractère et la couleur de son tempérament. Et lorsque l'homme n'a plus à se rappeler la nature de son caractère et la couleur de son tempérament, il est libre des deux outils fondamentaux dont se sert l'âme pour extirper de l'homme dans sa vie matérielle le matériel expérimental qui est nécessaire pour la construction dans les plans invisibles de modèles qui servent à l'évolution de ces mondes et qui servent aussi à exploiter l'homme dans la vie matérielle au profit de sa vie morontielle. Et l'homme doit un jour entrer dans la vie morontielle parce que la vie morontielle, c'est celle-ci. La vie morontielle, c'est cette vie qui n'appartient pas à l'homme de la terre. C'est cette vie qui appartient à l'homme de l'esprit. C'est cette vie qui appartient à l'intelligence pure dans l'homme. C'est cette vie qui est le produit instantané de l'énergie indifférenciée, manipulée par une conscience supérieure qu'on appelle le supramental et qui permet à l'homme d'être un maître de la nature à tous les niveaux des plans où existe l'âme. C'est-à-dire que l'homme doit un jour être capable de manipuler à la fois le matériel jusqu'aux plans les plus hauts de la cosmogonie métaphysique de l'universel créée par les formes astrales qui ont donné à l'homme l'impression qu'il est humain. L'homme doit un jour être suffisamment avancé dans l'intelligence, c'est-à-dire suffisamment vibrant dans l'énergie, c'est-à-dire suffisamment autonome, c'est-à-dire suffisamment divinisé, c'est-à-dire suffisamment libre, c'est-à-dire suffisamment maître, c'est-à-dire suffisamment surhomme, c'est-à-dire suffisamment créateur pour détruire tout ce qui a été créé dans le passé d'humanité. Et l'homme qui sera capable de vivre ceci sera capable de vivre immortellement, éternellement, et l'homme connaîtra quand ce sera le temps d'autres aspects de ces aspects qui ne peuvent pas être parlés aujourd'hui parce que l'homme pense encore, et lorsqu'il pense, il crée des formes, et lorsqu'il crée des formes, il amplifie en lui l'émotivité de la forme, et il retarde l'évolution parce qu'il s'ajuste constamment à la mémoire de l'âme, et il se fait plaisir de savoir qu'il connaît certaines choses, et automatiquement remplir sa condition parce qu'il essaie encore de reprendre connaissance. Quand je dis que l'homme doit perdre connaissance, je dis que l'homme doit s'effacer complètement devant le miroir de ce qu'il est. Il doit s'effacer complètement devant le miroir de ce qu'il sent. Il doit s'effacer complètement devant le miroir de ce qu'il pressent. Il doit s'effacer complètement devant le miroir de son intuition. Il doit être capable de détruire complètement son intuition parce que l'homme de demain n'a plus besoin d'intuition puisqu'il est dans l'énergie qu'il a créée sur le plan supramental au lieu d'être dans l'énergie qu'il subit par voie de l'expression de la mémoire de l'âme sur le plan du corps astral, qui est l'intuition naturelle que l'on parle en général. L'homme conscient, l'homme qui a perdu connaissance, l'homme fusionné, l'homme qui est dans l'énergie indifférenciée, l'homme qui manipule l'éther, l'homme qui se sert de son corps éthérique comme l'homme se sert sur le plan matériel de son corps physique, n'a plus besoin d'intuition, parce que l'intuition, c'est l'aspect le plus voilé du pouvoir de l'âme sur l'homme. C'est par l'intuition que l'âme fait et défait les liens entre la matière et l'esprit. C'est par l'intuition que l'âme s'octroie tous les pouvoirs sur le plan émotionnel et sur le plan mental de l'homme. C'est par l'intuition que l'âme essaie de se découvrir à l'homme. C'est par l'intuition que l'âme essaie d'assujettir l'homme par des bons sentiments ou par des pensées furtives dont il ne peut connaître tous les aspects et automatiquement dont il se rend responsable sur le plan de sa liaison avec elle. Autrement dit, l'intuition, comme l'homme le reconnaîtra un jour, lorsqu'il sera dans les terres, l'intuition, c'est un corridor dans le temps qui permet à l'homme de passer de la matière à la mort. Rappelle-toi de ça, Croteau. L'intuition, c'est un tunnel dans le temps qui permet à l'homme de passer de la matière à la mort. L'intuition, elle a été dans le passé bien exprimée, elle a été dans le passé philosophiquement perçue comme étant un bon aspect des relations entre l'homme et l'esprit. L'intuition a été cette faculté qui a été dans le passé montée, déifiée par la poésie, qui a été élégamment décorée par la philosophie, qui a été à laquelle on a donné un statut par la spiritualité. L'intuition, c'est l'arme ultime des forces de l'évolution. La preuve. On me demande des preuves, je vous donne une preuve. La preuve, c'est que jamais un homme ne peut se servir de son intuition à 100%. Si l'homme ne peut pas se servir de son intuition à 100%, c'est que l'intuition est un outil qui sert à la conservation de l'espèce humaine, c'est un outil qui sert à la conservation de la mémoire de l'homme, c'est un outil qui sert au développement de l'expérience humaine, c'est un outil qui sert en fin de compte au développement et à la maintenance sur la terre de la souffrance humaine. L'intuition, c'est un outil qui ne sert pas l'homme, mais qui sert les forces de l'évolution pour le bénéfice de l'évolution, pour le bénéfice de l'âme. Alors, si je renverse la position de la valeur de l'intuition vis-à-vis de la vie humaine, je le fais avec une très grande réserve, non, avec une très grande force, même si je parle pas fort. Quand je dis que la mémoire de l'homme, que la mémoire de l'âme est anti-homme, je dis que tous les mots qui font partie de tous les vocabulaires, de toutes les races, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les temps, de toutes les civilisations, sert à maintenir l'homme dans la matière. Ou sert à faire revenir l'homme de la matière au monde des morts. L'homme, un jour, doit ne plus s'intéresser à la connaissance. L'homme, un jour, doit être sans connaissance. Lorsque l'homme sera sans connaissance, il sera intelligent. Alors, avis à tous. Surtout à ceux qui sont le plus intéressés à la connaissance. L'homme pourra toujours rationaliser la connaissance, l'homme ne pourra jamais rationaliser l'intelligence. L'intelligence ne se rationalise pas. L'intelligence se parle et elle s'écoute. Elle ne se pense pas. Ça, c'est un autre point de référence. L'intelligence se parle et elle s'écoute, mais elle ne se pense pas. La connaissance se parle, s'écoute et se pense. Et si je dis que l'intelligence se parle et s'écoute et ne se pense pas, je dis deux choses. Je dis que l'homme qui est dans l'intelligence n'est pas intéressé à la connaissance, il ne vit que de l'intelligence. Et vivre de l'intelligence veut dire être capable de subir, de supporter, sans le retour et le recours constant de la mémoire de l'âme, la vibration de l'intelligence. pour qu'il n'y ait sur l'écran mental de l'homme aucune réflexion, pour qu'il n'y ait sur l'écran mental de l'homme aucune forme, pour qu'il n'y ait sur l'écran mental de l'homme aucune pensée, pour que l'homme puisse écouter la tête vide et pour qu'il puisse parler la tête vide. Alors, si l'homme est capable d'écouter la tête vide et parler la tête vide, à ce moment-là, l'homme entre dans l'énergie indifférenciée et de cette énergie-là, il pourra croître, il pourra grandir, il pourra avancer et ne pourra pas mourir. Autant l'intelligence est instantanée, autant l'intelligence est pluralistique, autant l'intelligence est multidimensionnelle, autant l'intelligence est radiale, autant l'intelligence se sert de l'énergie positive et de l'énergie négative. Autant l'intelligence peut se servir des lois du mensonge, autant l'intelligence peut asservir le mensonge. L'intelligence est une force indifférenciée. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est une des grandes composantes de tout ce qui existe dans le cosmos. L'homme n'a pas besoin d'être en connaissance lorsqu'il est dans l'intelligence. Mais pour que l'homme ne puisse plus être en connaissance, ou pour qu'il puisse vivre sans connaissance, pour qu'il puisse être sans connaissance, il faut qu'il se libère graduellement de cette impression viscérale en lui qui veut qu'il sache quelque chose, qui veut qu'il comprenne quelque chose. Parce que dans la vie, il n'y a rien à comprendre puisque tout est su. Il n'y a rien à savoir parce que tout est compris. Et c'est dans la vibration de cette énergie que tout est su, et c'est dans la vibration de cette énergie que tout est compris. Et c'est inutile pour l'homme de faire de la gymnastique mentale pour savoir ou faire des épreuves quelconques pour comprendre. L'homme n'a rien à comprendre, l'homme n'a rien à savoir, tout est là. Tout est là. Ce que l'homme doit comprendre et ce que l'homme doit savoir, c'est qu'il n'y a rien à comprendre et qu'il n'a rien à savoir. Et lorsque l'homme sait ceci, il commence à comprendre tout et à savoir tout ce qu'il a besoin de savoir. Le reste, c'est de la cochonnerie, c'est de la niaiserie, c'est de la stupidité, ça fait partie de l'involution, ça fait partie de la souffrance de l'homme, ça fait partie de l'anxiété de l'homme, ça fait partie de l'existence de l'homme. L'homme n'a plus besoin d'être nourri astralement. L'homme n'a plus besoin d'être mené par les bouts de son esprit, par des forces qui sont en dehors de son contrôle. L'homme doit un jour contrôler ses forces. Et il ne peut pas contrôler ses forces d'une façon parfaite, mais il peut en arriver à détruire la fondation de ses forces. Et ceci, c'est la mémoire de l'âme. Lorsqu'il aura détruit la mémoire de l'âme à ce moment-là, il contrôlera ses forces d'une façon parfaite parce qu'il sera automatiquement dans l'intelligence, c'est-à-dire que l'énergie indifférenciée en lui aura le contrôle vibratoire sur le plan mental, émotionnel, vital. Alors, le grand danger de l'homme, c'est la philosophie à toutes les sauces. La philosophie de cuisine, la philosophie universitaire, la philosophie des écoles, la philosophie des églises, la philosophie des fêtes, la philosophie. La philosophie, c'est la dernière forme dans l'évolution d'une civilisation qui précède la chute. Regardez la philosophie des Grecs, la philosophie des Romains, la philosophie du 19e siècle. La philosophie est toujours la période qui vient avant la mort d'une civilisation, parce que la philosophie est le moyen, l'extension dans l'esprit de l'homme qui lui donne l'impression d'avoir finalement touché à quelque chose. Et lorsqu'il a réalisé que ce qu'il a touché n'est pas réel, il se Il descend dans l'esprit de la civilisation une sorte d'angoisse.